Ce panneau concerne les conducteurs à l'arrêt? Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les passagers du véhicule? Oui, réponse C. Non, réponse D.